de la peine, sache le mal est. Car pour moi tu es plus que tout. Et si jamais tu as des problèmes, je serai là pour t'aider. Et ensemble on en viendra à bout. Et si jamais tu me quittais, tu verrais mon cœur céder. Car je te dois mon salut, je l'avoue. La seule chose de bien que je fais dans ma vie, c'est de t'aimer. Alors je ne gâcherai pas tout. J'absorberai ton amour comme une éponge. Tu hantes toutes mes nuits et occupes mes songes. Nous sommes si proches qu'il n'y a pas de place pour les mensonges. Et grâce à toi, je ne sens plus ce mal-être qui me ronge. J'espère qu'un jour tu feras l'honneur d'être la mère de mes enfants. Et si tu le désirais, je me marierai peut-être enfin. Sache que je t'aime de trop pour te faire du mal en faisant des choses qui feraient que notre amour ait été vécu en vain. Je ne te ferai jamais de la peine, sache le mal est. Car pour moi tu es plus que tout. Et si jamais tu as des problèmes, je serai là pour t'aider. Et ensemble on en viendra à bout. Et si jamais tu me quittais, tu verrais mon cœur céder. Car je te dois mon salut, je l'avoue. La seule chose de bien que je fais dans ma vie, c'est de t'aimer. Alors je ne cacherai pas tout. Je ne veux pas embrasser des millions de filles. Je veux t'embrasser toi, des millions de fois. Tu crains que je fasse comme tes ex et que je m'éparpille. Mais je veux être avec toi et nul autre que toi. L'amour que je ressens à ton égard me transporte. J'ai besoin d'un échange de regards et tu m'emportes. Désormais aimer et devenu un gars, mais peu m'importe. Car pour ne pas que je m'égare, j'ai besoin de ce que tu m'apportes. Je ne te ferai jamais de la peine, sache le mal est. Car pour moi tu es plus que tout. Et si jamais tu as des problèmes, je serai là pour t'aider. Et ensemble on en viendra à bout. Et si jamais tu me quittais, tu verrais mon cœur céder. Car je te dois mon salut, je l'avoue. La seule chose de bien que je fais dans ma vie, c'est de t'aimer. Alors je ne gâcherai pas tout. Assez fort pour te décrire ce que je ressens. Mais je ne cesserai jamais de te le prouver à chaque instant. Même si je sais que pour moi ce sentiment est encore récent. Sache que je ne serai jamais blessant. Non, non. Y'a pas de mots assez fort pour te décrire ce que je ressens. Mais je ne cesserai jamais de te le prouver à chaque instant. Même si je sais que pour moi ce sentiment est encore récent. Sache que je ne serai jamais blessant. Je ne te ferai jamais de la peine, sache le mal est. Car pour moi tu es plus que tout. Et si jamais tu as des problèmes,